Plage 3. Le nettoyage général. Vous allez pouvoir réaliser maintenant un nettoyage général de vos mémoires. Autrement dit, sans vous focaliser sur un domaine particulier ni sur un problème précis, mais plutôt sur votre vie dans sa globalité, en laissant l'énergie de Ho'oponopono effacer les mémoires qui doivent l'être sans que vous n'en ayez forcément conscience. Ho'oponopono sait instinctivement où il doit agir pour votre bien et non pas uniquement en fonction de ce que vous imaginez. Car certaines de vos programmations erronées ont des ramifications beaucoup plus étendues que vous ne le pensez. D'où l'importance de toujours débuter votre séance par le nettoyage qui va suivre. Aussi, ne pensez à rien, à personne, à aucun sujet qui vous tracasse en ce moment. Ne demandez pas non plus quoi que ce soit. Je vous rappelle que Ho'oponopono n'est pas une énergie créatrice. Elle est un système qui vous permet d'effacer ce qui vous sépare de la matérialisation de ce qui vous tient à cœur. Un peu plus tard, nous ferons ensemble certains exercices qui faciliteront la réalisation de vos désirs. Mais vous devez d'abord nettoyer ce qui doit l'être. D'autre part, je vous demande formellement de ne pas culpabiliser lorsque vous prononcerez le « désolé » et le « pardon » du mantra. Ce ne serait que le témoignage de votre mental qui veut vous empêcher de nettoyer les mémoires auxquelles il tient tant. Et ça, c'est hors de question. Enfin, gardez bien à l'esprit les vibrations de repentir lorsque vous prononcez le « désolé » du mantra, celle de « pardon » sur le « pardon », ainsi que la gratitude en disant « merci » et l'amour lorsque vous déclarez « je t'aime ». Ce sont elles qui feront le travail de nettoyage de vos mémoires et qui maintiendront ensemble les différentes parties en présence, à savoir votre mental, votre subconscient, votre moi supérieur et le divin qui est en vous. À présent, je vous invite à garder les yeux fermés et à prendre une profonde inspiration. Bloquez 2 secondes et dites le mantra sur l'expiration, comme ceci. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Bloquez 2 secondes, prenez une profonde inspiration et recommencez. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Continuez. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Sentez la légèreté de l'esprit s'installer en vous. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Le repentir, le pardon, la gratitude et l'amour vous libèrent de vos mémoires. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Désolé, pardon, merci, je t'aime.

désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Ressentez votre mental, votre subconscient, votre moi supérieur et le divin qui est en vous travailler ensemble pour vous libérer. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Désolé. Pardon. Merci. Je t'aime. Voilà, vous venez de faire un nettoyage global de vos mémoires. Peu importe desquelles il s'agit, Ho'oponopono a fait sans aucun doute ce qu'il devait. À présent, vous pouvez vous arrêter et revenir tranquillement ici et maintenant en prenant votre temps. Ou bien vous pouvez garder les yeux fermés et conserver votre état de relaxation pour continuer à travailler avec la suite de cet enregistrement.